devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur et de notre indépendance, et qui restera l'exemple du plus méritoire effort français. Depuis un demi-siècle, à l'appel d'une vocation civilisatrice, vieille de beaucoup de centaines d'années, sous l'impulsion des gouvernements de la République, ce que nous avons fait pour le développement des richesses et pour le bien des hommes, ici, tout en marchant, il n'est pour le discerner que de parcourir nos territoires et pour leur connaître que d'avoir du cœur. Déjà, au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il besoin de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution? D'abord, parce qu'elle est, elle fut jusqu'à ces derniers jours, en grande partie une guerre africaine, ensuite et surtout parce que l'enjeu de cette guerre, c'est en réalité la condition de l'homme, et que sous l'action des puissances psychiques qu'elle a partout déclenchées, il n'y a pas une population, il n'y a pas un homme dans le monde qui aujourd'hui ne lève la tête, ne regarde au-delà du jour et n'interroge son destin. Les Africains, officiellement, n'étaient pas invités à cette conférence. Mais Brazzaville avait été la capitale de la France libre. Et donc, il y avait là de nombreux fonctionnaires venus du Congo, venus des autres territoires de l'AEF et de l'AOF. Le gouverneur général, Félix Eboué, noir originaire de la Guyane, avait tout fait pour encourager l'afflux et la promotion, comme on disait à l'époque, de ses frères de race. Et il avait eu l'astuce de leur demander d'envoyer régulièrement aux conférenciers des messages, des rapports, des réflexions, ce que, naturellement, ils se sont empressés de faire. Donc, tout en étant absents, ils ont contribué à la prise de décision. 50 ans plus tard, dans l'émission de RFI, Mémoire d'un continent, l'ancien président de la République du Dahomey, Émile Derlin-Zinsou, analyse le contenu et les perspectives ouvertes par la conférence de Brazzaville.